Je prends un pied phénoménal lorsque je me rends à mon travail. Combien de pigeons vais-je plumer, combien de vies vais-je chambouler? Vouloir doubler mes bénéfices, c'est le principal de mes vices. Depuis 10 ans, je suis gâté. Quelle volupté d'être banquier. Je suis un rapace, une sorte de vampire. Je suce les rentiers, les petits épargnants. Il n'y a pas de place pour les sentiments, pour pouvoir un jour gérer mon empire. Je cultive un plaisir sadique à voir tous ces gens à mes pieds. Prêt à tout pour me demander de leur prêter un peu de fric. Quand ils ont la somme désirée, j'augmente les taux d'intérêt. Je serai un homme comblé quand je les verrai tous ramper. Tous ces petits pauvres, tous ces crèves la faim, je voudrais qu'ils viennent manger dans ma main. Car mon seul credo, ma seule devise, c'est que les banquiers ignorent la crise. À vivre, c'est assister. Je ferai de la politique. Dans ce monde, il n'y a pas d'éthique. Quand la plupart de mes électeurs seront en fait mes débiteurs, ils voudront que je sois leur emblème, que j'accède au pouvoir suprême. Je serai enfin le maître du monde. J'aurai réussi dans mon plan immonde. Et toute ma vie, jusqu'à votre mort, je pourrai me faire la nouille encore. Je serai enfin le maître du monde. J'aurai réussi dans mon plan immonde. Et toute ma vie, jusqu'à votre mort, je pourrai me faire la nouille encore.